Oui, bonjour, bonsoir, mes chers amis. Je pense que vous allez bien. Et voilà. Nous revoici toujours pour les Congos. Essayons un peu de raisonner à haute voix. Lelo naye pona ce que vous savez qui se passe à Namboka et précisément sur ma candidature aux Ezali. Bato bazali ko déposer pour que ba Congolais ba voter bango pour ba koma ba président de la République démocratique du Congo. Et na côté à députation nationale, je ne veux pas mettre faire mes commentaires hein, parce que oyona yokikuna, je ne sais pas dans quel pays tokoyiko qu'on vivre ma cambouille. Donc, pour la 500 sièges, pour la députation nationale, une affaire de 36 000 candidats. Je dis bien une affaire de plus de 36 000 candidats pour 500 postes. Et ce qui vous taliba candidat yango. Bon, je l'ai dit souvent, je l'ai dit toujours, que Félix a ouvert une porte à tout le monde, moyen topé qui sabango, tolo belabango ezate, to komi sikoyo na logique, il y a chance et lokopamba. Et vous allez voir, la plupart, il y a batwana cursus scolaire moko ezate. Et ceux qui me posaient question, Rabissayo, Félix a comme président à Tangawapi. Il faut à un certain moment que ces histoires cessent. Franchement, il faut que Makambo Oyo tout terme na yango. Namboka Moutounio Sazali demandé qu'on a la présidente, qu'on a la députée. Même si Ozali n'a volontaire comme un député, posez-vous des questions. Est-ce que je suis capable? Il y a qu'Ozala la députée au vrai sens. Il y a qu'Ozala la président au vrai sens. Ndenge na koloba na mingité sur ce point-là. Nalingi na lobela juste sur ce qui concerne les candidats présidents et na lobela bango non c'était parce que nasi na lobela yango. Aujourd'hui, je viens une fois de plus pour parler de Denis Mukwege, le docteur Denis Mukwege. Mes chers amis, moi je suis constant. N'a pas dire nanga n'a pas position nangaï. N'a le bakango toujours que en ce qui concerne le député ou bien le représentant Nabisso, moi je ne vois pas des noms. Je vois les prototypes. Après vidéo nangaï, il y a, je pense, une semaine ou 2 semaines, appuyant la candidature, il y a docteur Denis Mukwege, Nazui appel est bêlé. Appel est bêlé. Et parmi ces appels, la plupart, ce sont des appels qui viennent. Et pas yabande konabiso et la province Yabandundu. Ce qui n'a résumé Yango, la plupart de ces appels m'interpellent que Ozali fils de Bandundu, comment okoki ko soutenir candidature il y a docteur Mukwege qui n'est pas de Bandundu. Ozali mutabandundu ya ndenge nini? Ozotika bampangi na yo okende ko soutenir mutu mususu mupaya. Mes chers amis, je me pose la question, est-ce que nous sommes allés à l'école et quel type d'école? Ce n'est pas à moi, Yaboyako Tangi Sabatou, que signifie un pays. Ce n'est pas à moi, Yaboyako Tangi Sabatou, que signifie politique. Qui est censé faire la politique, qui comprend la politique, qui peut interpréter la politique. Naebi Sakabino toujours, je l'ai dit dans la vidéo Nangai. Bien que j'ai rencontré le docteur Mukwege à Séoul, et ça, c'était en 2017. J'ai rencontré le docteur Mukwege à Séoul. Na expliqua Yango, c'est moi qui ai donné la candidature à docteur Mukwege pour na prix à droit de l'homme na Corée. Il y a une organisation OEP Saka prix na ba défenseur il y a droit de l'homme na monde. Et comme professeur d'université, parmi Bakour Nanganatangisa, droit de l'homme Ezali, comme un activiste expert en droit de l'homme, j'ai été contacté par cette organisation 1 pour faire partie ya ba membre ya jury. 2. Proposer bango si possible ce qui n'a yebi ba défenseur ya droit de l'homme na monde n'a proposé ba combo pour que mutu moko pas deux mutu moko a joa pris pour cette année là 2017. Volontiers nandimaki parce que d'abord je faisais partie ya comité ya jury. Il y a May 18 Foundation, où il y a une fondation, il y a démocratisation en Corée. Ce qui est bon, il y a la Corée est un pays démocratique. C'est à cause d'une ville, d'un groupe de gens, d'étudiants, de professeurs d'université, qui se sont réunis pour dire non à la dictature en Corée du Sud à cette époque-là, vers 1980. En 82, obayebi histoire ya Corée, vous savez que na ville oyoba bengi Kwangju, il y a eu des massacres. Na batu oyoba étudiants, ba professeur, oyoba telemaki na Chonam Université, une des universités oyo ngai na tangisaka, ba telemaki pour na koloba non na dictature. Et le régime à cette époque-là dictatorial est tindaki ba militaire ba ya ko massacré batu. Il y a d'ailleurs une vidéo que j'avais faite avec une télévision MBC TV à Corée na sala sur cette histoire-là. Donc cette organisation, cette fondation est pesakape ba prix ya ba défenseur à droit de l'homme. Et na niveau moko ya moisé, rappelez-vous, na lobela yango déjà, j'ai fait J'ai proposé quelques Africains pour bazwa Priwana, ya May 18 Foundation, et ba o bazali ba Congolais o bazali na Burkina Faso. Vous connaissez les musiciens Smoke. C'est un musicien qui est franco-burkinabé. Na proposa kombo na ye. Mouta proposa na kombo ana. Une étudiante burkinabé, Azalaki, kotanga master na ye à cette époque-là, qui était une étudiante na cour Nangai, il y a risk management. C'est elle qui m'a proposé ces noms-là de Smoke. Bango batu basalaki que Blaise Compaoré à Kima. Et Smoke est venu na Corée. Azwaki Priwana. Et voilà, j'ai proposé les noms des docteurs Mukwege. Nakenda, na Baebisinga, to Ebi, Biente, Yaka, une exposition de 20-30 minutes, expliquer biso qui est le docteur Denis Mukwege. Je suis allé, j'ai proposé, j'ai expliqué qui est Mukwege, qu'est-ce qu'il fait. Et par la suite, on avait 32 candidats à travers le monde. Le Brésilien Bazalaki, le Vénézuélien Bazalaki, il y avait un Français, il y avait un Tchèque. Bazalaki est belé au total 32 candidats. Et chacun de nous, les membres du comité à jury, tous les 8, chacun a proposé selon le critérium. Chacun a proposé le candidat. Nous étions demandés, Moutouna a proposé 5 candidats. Tu as analysé le dossier Nabango, 5 candidats. Et j'ai discuté avec le docteur Mukwege. À cette époque-là, je n'avais pas de contact avec lui. Et j'ai cherché par-ci, par-là, Nakoti en contact Naye. Je lui ai expliqué ça. Volontiers, Andimaki. Et comme il a jour à vote, on m'a dit de ne pas voter parce que j'étais congolais, ce qui était normal. On m'a déplacé un peu après 5 minutes. Ma benginga na kota pour me dire, bon voilà, tout le monde sur 32 candidats. En tout cas, Baponi, le docteur Denis Mukwege. Beaucoup qui s'imaginaient, et c'est mon Azalakinan. Je ne connaissais pas Mukwege physiquement. Je n'avais pas de contact avec lui. Mais je connaissais ce qu'il faisait pour na Mbokanabiso. Le docteur Mukwege est arrivé en Corée. Il venait des États-Unis. Ba Rwandais na Corée bazalaki mobilisé. Docteur Mukwege a joué information, Ngapena a joué information. On a instruit ba organisateur de ne pas permettre ba noir ba kota na salle. Parce que c'était difficile pour na koyeba ba qui est Rwandais, qui n'est pas Rwandais, qui est Congolais. Qui n'est pas congolais. Alors, pour la bataille de sécurité, bah oui, bon, en bref, parce que Bissopé na Corée, awa tozalaka na moi confusion na bilongi na bino ba noir. Pour la cause de la confusion, on interdit aux noirs ba kota na kati ya sal. Pour la sécurité à Mukwege. Et na tchaba image na Facebook ezali, j'étais le seul na kati ya sal. Mais par la suite, je fais rentrer une étudiante kenyenne. Azalaki pe étudiante na biso abandai kolanda cours sur les ONG et thèse na ye ngam na dirigea yango. Elle travaillait sur les droits de l'homme par rapport yaba hôpitaux et Azwaki comme thème na ye sur le travail à docteur Mukwege avec l'hôpital Panzi. C'est une kenyenne. Et je demandais à l'organisation de la sécurité Si bakoyiko kotisa la fille l'étudiante à Kotaki. Mais ce qui vous talibie bien dans la salle, dans la photo, dans la chaîne Facebook, vous allez voir la fille Azalaki na simakuna, na sukakuna. Le docteur Mukwege est arrivé à côté de la salle. Avant, il a demandé s'il peut me voir. Parce qu'il y a Yokaki Shirungai et Bélé avant un avion à partir des États-Unis. Namoni bata protocole, une fille à protocole aye, docteur Mukwege veut te saluer. Na telemi esika na zalaki, na kei, na mwasi na ye, je lui ai salué. Tout solo lui mouke, la question qu'il m'a posée à Liboso, ce qui n'a le bas choisi, je lui ai dit bon, na yo kaka mouke, mais en tout cas, na le bas ka yangote. Bon, à 5 ce qui tokoyiko solo là après, parce qu'il rentre à 6h, à Komaki, na 17h. Na Corée, cérémonie est au banda 19h et à 6h, il devrait rentrer même par la France. Et on a demandé na hôtel Shilla, et hôtel 5 étoiles à Séoul, ce qui va réserver une petite pièce pour que tout soit là. À Silici, à Zuipri, et batu balandi kolanda ba caméra ezali kolanda batu bazo landa ye bazo kimisa ye bata sécurité jusqu'à tel point côté na salle biso mibale na kata salle ba photo ezali na Facebook. On a parlé avec lui pendant 45 minutes. En 2017, on a évoqué tous ces problèmes à l'élection. Mes chers amis, le docteur Mukwege na tango azali kozwa ba prix Nobel. Na tango azali kozwa ba prix partout, par-ci, par-là. On n'a pas vu un seul Congolais se lever. Pour nous voir, il s'agit docteur Mukwege aza mutamindele. Bino nyonso, surtout bak ba vanyi na diaspora. En Europe, en France, par exemple. Mukwege, ce qui azali na France, tout le monde s'aligne. Bakende ko yoka, ndeko na biso, la fierté congolaise. Na tango wana boye baki te ke le docteur Mukwege azali muto mindele. Et voilà aujourd'hui, les Congolais poussent le docteur Mukwege sur base de ce qu'il réalise, ce qu'il a fait, sur base de son amour sur notre pays, son amour pour notre pays. Sur base de son idéologie, sur base de son patriotisme, sur base, il y a défense, il y a droit, il y a pas Congolais. Le docteur Mukwege a été poussé par nous, Congolais, de postuler. Pour que peut-être ce qu'il fait, pourquoi ne pas le faire à l'échelon national? Le docteur Mukwege dit oui. Et voilà les démons de mensonge, le démon de trahison. Le démon. Yami limo mabe. Et dasuki et papa congolais moussous. Non, le docteur Mukwege azali moutou yamindele. Qui n'est pas moutou yamindele? Mais je vous pose cette question à maintes reprises. Nana tombo la moussapina ya azali moutou yamindele. Bino moko, surtout vous, la diaspora congolaise, bovandine Europe. Ce qui est bon, c'est que vous avez un Congo. Vous avez un Congo. Vous avez une aide sociale. Vous avez une école. Vous avez une école. Vous avez une école. Vous avez une école. Vous avez une école. Dites-moi, le docteur Mukwege a travaillé pour une institution Nini Yamindele. Dites-moi, vous avez un combo d'institutions. Non, le docteur Mukwege, on nous sort une vidéo. Le docteur Mukwege, à côté de la cabane à Moulenge. Le docteur Mukwege, à Zamutaba Rwandais. Mutaba. Vous ne savez pas que ce qui on nie, bah, Pessa, bah, garde, bah, surveiller docteur Mukwege, c'est juste à cause y a bah, Rwandais. Boye bah, qui yango, on en parlait tous. Aujourd'hui, voilà, ça change. Docteur Mukwege, à côté de la cabane à Moulenge, à Zali Mutamindele. Azali Moutaba Rwandais. Bon, parlons un peu de cette histoire de Banyamulenge. Mes chers amis, je pense que Bandekwebele, Bazali Bizengi. Oui, ce sont des termes que les Congolais, Bele, Bandekwebele, Yoka, comprennent. Na tout la question, est-ce que Batouba Kendaka école ou bien Bakenda école T? Ce qui va kenda école, quel type d'école? Tolobela, dossier à Banemolengi. Nous savons, Ngai, Bino, Mukwege, tout le monde. Tu yebi très bien, Banyamulenge, c'est une invention yaba Rwandais. C'est une histoire qui depeuplent la terre Nabisso pour le remplacer par des Rwandais. On le sait. Mais écoutez, tout a la logique avec nous-mêmes. Le Banyamulenge quitte le Rwanda, Bayena Congo. C'est les Congolais qui ouvrent des portes. Batoubaya kana Batouana ezali Batou Oyolelo bozo kumisa ba candidat président ba sesanga Batou ba kotisa une partie ya ba Rwandais wana bozo benga Banyamulenge. Mais avant de vous attaquer au docteur Mukwege sur ces dossiers Banyamulenge, est-ce que osoa déjà temps yo mutozo landangai? Osoa déjà temps ya kotanga constitution na yo ya Congo? Osoa déjà temps ya kotanga constitution ya Congo? Banyamulenge wana na tango baye na Congo baye ko vanda na Congo. Bazali ko bota bana. Bazali ko bala ba Congolais, bazali ko bala ba Congolaise. Que dit la constitution congolaise na bapaya o bazali ko botama na Congo? Aujourd'hui, vous avez vu l'idiot national appeler si passeport diplomatique na Jean-Claude Van Damme. Parce que Jean-Claude Van Damme est né au Congo. La loi congolaise, la constitution congolaise lui donne les droits ya koza na passeport congolais parce qu'il est congolais. L'idiot national a joué passeport diplomatique à PC Jean-Claude Van Damme. Il n'y a pas eu de problème. Bon, Bossani, que le travail que fait le Rwanda aujourd'hui au Congo, c'est le travail que le Belge ont fait. Pour Jean-Claude Van Damme, on n'a pas vu de vidéo. Que ma Belge, oh yo Belge, oh yo a commis à za Congolais ponanine. Il n'y a pas d'interrogation. Mes chers amis, avant de vous attaquer au docteur Mukwege, attaquez-vous d'abord à votre constitution. Si vous étiez intellectuel, vous devez d'abord rentrer dans le Parlement à Binon, amender votre constitution. Et par la suite, si vous voyez le docteur Mukwege défendre cet amendement de la Constitution concernant nationalité congolaise à la naissance, oui, revenez, toko discuter. Mais si Banyamulenge vient au Congo, votre loi, votre Constitution les autorise S'ils sont nés au Congo, automatiquement, ils sont Congolais. Mais mon béko wana na constitution, ezali et longwete. Mes chers amis, je vous dis, na stade tozali lelo. Ce qui est yoki mutu ayebi sibino, ngana koya, banya mulenge na kozongisa bango, tout le monde ba kozo, c'est populiste, mensonge. Ali ko jouer na émotion na bino, mensonge. Parce que avant de faire rentrer ces Banyamulenge au Rwanda, il faut d'abord commencer par votre constitution. Parce que moi, je parle de Banyamulenge deuxième génération. Je ne parle pas ceux qui sont venus directement du Rwanda. Mais bana oyo bango ba boti boti kuna na Congo, bolobi boni. Bino bo voté constitution wana. Constitution na lobby, moutou nyon se sore a botami na Congo, azali Congolais. Vraiment, vous raisonnez? Il faut aller à l'université pour comprendre ça. Tomoni démarche mokote, ni c'est de Fayulu, ni c'est de Mouzito, ni c'est de Katumbi. Tomoni démarche mokote, bon loba ke bato a parlement, biso to lingi banyamulenge te, bo changer mibeko oyo bo longola yango to lingi ko pesa droit ya nationalité citoyenneté congolaise à la naissance té to monité mais batwa ko mona biso banane ba idiot. Donc docteur Mukwege sur cette question de Banyamulenge, il n'est pas responsable ya makambwana. Bien au contraire, le docteur Mukwege est victime d'une partie à Banyamulenge wana. Mes chers amis, tous à la logique avec nous-mêmes. Tous à la logique avec nous-mêmes. Mais écoutez, tozali na bana na biso. Tozali ko bota, ndenge bo vandi na diaspora partout. Ba congolais soko moni 10 congolaises partout on atambula na monde. Soko moni 10 congolaises. Sur 10 soko moni 9 na ba poussette ya bana. Sur 10 congolais na diaspora ba congolais soko moni bango na balabala bazotambola sur 10 soko moni bango 9 ko mona bango na ba poussette ya bana to bota na tembe pona mbongo social miyibi e bo moni bele ba bunda mabala ezokufa pona mbongo social mabala ezokufa. Et si vous avez un social, vous avez un dépasse pas 1000 euros. Non. Mais ma balle est au coup pour un bon social. Wana. Et pourtant, un bon wana, c'est un bon gouvernement qui a besoin pour la future éducation ya bana na future. Mais bino, mbongo a bana, boson bakabelo, bobon sa manzaka, bosa la maquillage, ba papa, ba kene ko luka ba chinza. Ba kolo mbongo. Après 18 ans, 19 ans, 20 ans, Bokomi a, moi na zui bourse te, moi na zui bourse te, toko sala ndengenin. Prof, est-ce que moyen exacte, ou yebi place mon côté, toko yuko zwa bourse pona moi na biso, aza mayel, mbongo ya moi na wana ya social, babanda yiko pesa bo tcha wapi. Mi yibi, bizengi. Oui, soko liaka mbongo ya social ya bana na yo, je te dis oza moyibi ki zengi idiot. Et si ko vandi, soko liaka botala na bino na bino, botala na mbongo ya social ya bana eza wapi. Alors, bana o tozali ko bota na diaspora. Un jour soki bolamu ki balobi non. Gouvernement français, gouvernement belge, gouvernement canadien, gouvernement tel, va retirer loi, va changer loi. nationalité à la naissance et sauté. Commentaire n'a eu aux Arandegeni. C'est de même avec les Banemolingues. Oyo ba botami na mboka na biso. To yebi Banemolingues bazo sala mabe belé na mboka na biso. Mais qui les autorise à cause de la nationalité na biso? Biso moko nos propres lois. Bozo mona te ke toza bizengi biso moko. To lingi eloko avec na contraire na ngomba la moko. Non, mes chers amis, écoutez. Le docteur Mukwege, c'est un citoyen congolais. Le docteur Mukwege est un citoyen congolais 100%. J'ai vu des traqués, non, il est burundais. Mais le docteur Mukwege a étudié au Burundi. Nga la tanga na Corée, na tanga na Canada. Je suis canadien. Le docteur Mukwege a étudié au Burundi, oui, c'est vrai. Est-ce que le fait d'avoir étudié au Burundi lui fait burundais? Ça va pas là-bas, ça va pas. Mais je vous dis, mes chers amis, avec le docteur Mukwege, un coup KO. Un coup KO. Oui, il y a pas match, il y en a pas, il y en a pas. Docteur Botelemi, docteur Mukwege koti na terre, ye moko na kana ye moko. Bo sangana. Arbitre a sifflé match et sili parce que cet homme ici, c'est du lourd. C'est du lourd, c'est du lourd. Un coup KO, du lourd. Oui, même au vendu yo moko na toilette, na salon te, et si vous avez un kota na toilette, ero kota na toilette, vanda kanisa. Vanda kanisa. Ce qu'on a dit, docteur Mukwege, Luka nan, profil à docteur Mukwege. Biographie na ye Luka, Tchaboué, comparé. Comparé. Vous allez voir, c'est du lourd. Un coup, KO. Et KO, wana okou ya ki bololo. Demandez aux gens de Bandou Maïe, Sabino, okou ya ki bololo, les années. Na loba ki na vidéo, o yele ki que. Pour te déjouer piège, il y a cet idiot tribal. Oyo Kabila pesi pouvoir, il faut un candidat unique. Il faut candidat moko. Et quel est ce candidat na bango nyonso? Nga na zomona mpumsute à part docteur Mukwege. Fayulu, oui, mais est-ce que Fayulu... Après vol et élection, savez-vous que Fayulu a sillonné par tout le monde pour Nako Luka Imperium Naye? Savez-vous qu'il y a eu des portes fermées contre Fayulu? Il y a des choses, Tolin Kolobate. On néglige pas Fayulu, mais Tolobi, Fayulu a raté une opportunité. Nous a fait rater une opportunité. Cette fois-ci, on donne la chance au docteur Mukwege. Et Fayulu restera toujours avec le docteur Mukwege. Et c'est ce que nous voulons faire comprendre à notre frère Fayulu. Il faut comprendre que dans le moment où on ne veut plus, il y a vol à l'élection, il y a Zalaki victime. Nous allons mettre Mindele, Mukwege Zamuta Mindele devant leurs responsabilités. Ba pesi ba prix, ba pesi ba prix, ba pesi ba diplôme na Mukwege, ba pesi, ba vanté, avec raison d'ailleurs. Et maintenant, Mukwege est au pouvoir. Il veut réparer le Congo. Ndenge bo vantakaye, il le repare des femmes. Maintenant, il veut réparer le Congo. Parce que le Congo est alipé victime yababi. Et Mukwege veut amener cette technique, cette stratégie, cette philosophie de réparer. Non, maman, il veut amemayango au niveau national pour réparer notre pays. Alors, vous dites quoi, mes chers amis blancs? Voyez-vous? Donc, avec Mukwege, on met le blanc devant leurs responsabilités. Non, Mukwege a zamutamine l'été. Mukwege aza muta ba Congolais. Mukwege aza la kana Congo. Mukwege avanda kana Congo. Alala kana Congo. Bisika ngai na yoku tutokenda kate. Oko kende te tomeka kate. Me mukwege avanda kawana alala kawana. Muta Mindele. Muta Mindele en quoi? Il a travaillé où? Et pas Mindele. Asala wapi. Asala wapi et pas Mindele. Mukwege travaille au Congo. Se sacrifie au Congo. Akomi muta Mindele... Et bandi boni. Ce qui mindele ba koumisa mokwege pon intelligence na ye pon amour na ye ya Congo. Pon intelligence na ye pon amour na ye pon a Congo. Mindele ba koumisa ka mokwege te parce que mokwege sa la bango moussala. Mokwege sa la bango moussala nini. Fayoulou a travaillé pon a ba américain. Est-ce que Fayoulou a zan mouta mindele? Katumbi, azam ndelete. Bosubo mona Moïse azolo mulai na e parabiso e pa ya meni kongo ngudia kam. Bosubo mona Moïse ya zolo mulai. Katumbi azam ndele. E bozo mona ngote, vous ne voyez que non, Mukwege azam mutamindele. Mutamindele asala wapi pona mindele. E loko nina asala pona mindele. Parce que ce que Mukwege fait, il fait ça pour le Congo, pour les Congolais. Et au Congo. Non, ça c'est Satan. Ça c'est Satan. Mukwege aza mouta mindelete. Mukwege aza moutou ya yo Congolais, ya nga Congolais. Et je vous assure, cette fois-ci, Satan, un coup KO avec Mukwege. Sur tous les plans, mes chers amis, Nayebite, sur tous les plans, match qu'elle veut. Amour ya Congo, azanango. Patriotisme ya Congo, azanango. Défense ya Congo, azanango. Intelligence, docteur, azanango. Tout azanango. Ba porte. Et si kato kenda ko luka mbongo et pas mindele, parce que personne ne vous dira, ngana za mouta mindele te, ce qu'a commis la pouvoir. Premier voyage, a ke pas mindele a ke luka mbongo. Ba porte wana, mukwega yebi yango. Toko fungola yango. Alors, toza entre biso ba kongole, makambo yako parier entre biso ezate. Mais, essayons un peu d'analyser qui nous représente. Bato nyonso wana bozoka ba Katumbi, ba Muzito, ba Sesanga, ce sont des yongololo qui n'ont pas de poids, comme disait King Kester, paix à son âme. Ce sont des yongololo qui n'ont pas de poids. Nous avons deux, Fayoulou, Mukwege. Et nous demandons à Fayoulou, Keba, ba yibi biso, to pesi confiance pa na yo ba yibi biso. To yibi si yo talandenga ko sala poto récupérer. Olandi nzela na te. Bon, c'est une erreur. Tondimi, vanda pembeni. Yaka sima ya Mukwege. Chapua. Chapua. Chapua. Eza mabe? Non. Ndeko Fayoulou, il faut avanda penza, akende même na ngomba mangengenge, avanda penza, avanda méditer bien, pour que kimbangu akote la ye, aye bisa ye, non, cette fois-ci, tozui moutou, un cacao, Mukwege, Fayoulou yaka sima, bisonyon so sima, to sukumaye, ba milouvor, Bakokuya ki bololo cette fois-ci. Un coup KO. Vous me comprenez? Voilà. Merci beaucoup. Moi, na meni Kongo. Ngudia kam ki yanjikola. Quelqu'un m'a posé une question de savoir. Ah, yango koutu yolo baka. To ebi koutu papa na yo tete. Mwana. Mwana tona. Mwana tona ka fulu mukwa boko. Oyuka diya mihindi. Mwana tona ka fulu mukwa boko odika ya miyindi. à connaître pas, à demander. Mais, na kimia, sans combat, bako sa élection, bako sa te, moukwege sera là. Na janvier 2024, bokomo na sorti ya gouvernance, ndenge zalaka. Vraie gouvernance, ndenge zalaka. Voilà. Moi, je suis un peu de temps. Qui est en train de se faire. Je suis un peu de temps. Je suis un peu. Bye bye. Partagez la vidéo. Merci beaucoup.